Livre 4, poème 15, à Villequier. C'est près de Villequier, dans les eaux de la Seine, que Léopoldine et son mari s'étaient noyés en 1843. Léopoldine avait 19 ans. Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure je sors, pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur, maintenant que je puis, assis au bord des ondes, ému par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon, maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre elle dort pour jamais. Maintenant qu'attendrie par ces divins spectacles, plaines, forêts, rochers, vallons, fleuves argentés, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte, apaisé, les morceaux de ce cœur, tout plein de votre gloire que vous avez brisée. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant. Je conviens que vous seul savez ce que vous faites, et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Je dis que le tombeau, qui sur les morts se ferme, ouvre le firmament, et que ce qui s'y bat, nous prenons pour le terme et le commencement. Je conviens à genoux que vous seul, Père Auguste, possédez l'infini, le réel, l'absolu. Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste, que mon cœur est saigné, puisque Dieu l'a voulu. Je ne résiste plus à tout ce qui m'arrive par votre volonté. L'âme, de deuil en deuil, l'homme, de rive en rive, roule à l'éternité. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses. L'autre plonge en la nuit, d'un mystère effrayant. L'homme subit le joug, sans connaître les causes. Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant. Vous faites revenir toujours la solitude autour de tous ses pas. Vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitude ni la joie ici-bas. Dès qu'il possède un bien, le sort le lui retire. Rien ne lui fut donné dans si rapides jours pour qu'il s'en puisse faire une demeure et dire « C'est ici ma maison, mon champ et mes amours ». Il doit voir, peu de temps, tout ce que ses yeux voient. Il vieillit, sans soutien, puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles soient. J'en conviens, j'en conviens.